voyage vers nous-mêmes, la radiance d'un tour. Les arbres nous suivent, la joie explose en inondes infinies. Souveraineté de l'amour, toujours est là. Le jour vibrer à jamais.